Le beau temps de Marilyn Desbiolles. Adaptation et réalisation, Sophie Haute-Picon. L'Ariane est une donneuse. L'Ariane, la banlieue à l'est de Nice, est une donneuse de nom. Ariane en tout premier. Ariane, Maurice Jobert. Maurice Jobert est le nom du collège de l'Ariane où je suis invitée pour parler avec les élèves d'un de mes livres qui met leur quartier en scène. Les élèves ont dessiné sur le sol de la classe un parcours de galets cueillis dans le lit du Payot. Fleuve presque toujours à sec. Fleuve Oued dont il est fait grand cas dans le livre et qui borde l'Ariane. Je me rappelle bien ces petits cailloux entre lesquels je me tiens pour répondre aux questions. Je ne sais pas qui est Maurice Jobert. Je ne sais pas qu'il est un compositeur de musique et qu'il est né à Nice, ce qui vaut à son nom d'apparaître sur la façade d'un collège, qui est niçois et qui l'est si peu. L'Ariane n'est pourtant pas une cité grise. Elle a le même ciel que Nice, le même beau temps. Premier mouvement. Je ne sais pas qui est Maurice Jobert. Son nom me dit pourtant quelque chose. S'il me retient autant, c'est que je le reconnais, mais impossible de savoir où je l'ai connu. Je l'oublie. Quelques mois plus tard, je revois un film de Truffaut que j'aime beaucoup, La Chambre verte. C'est même le film de Truffaut que je préfère. Le réalisateur y tient le rôle de Julien Davenne, un veuf inconsolable qui ne fait le deuil d'aucun de ses morts, à commencer par ses camarades de la guerre de 1914, dont les images d'archives mêlées à la musique de Maurice Jobert ouvrent le film. C'est le quatrième film, et le dernier, pour lequel Truffaut a fait adapter la musique de Jobert, que tout jeune, il a découverte dans Zéro de conduite et L'Atalante de Jean Vigo. Davenne a composé une chapelle où les photos de ses morts sont animées par des centaines de flammes de bougies, comme la caméra qui capte la lumière anime les vivants. Tout film n'est-il pas une chapelle ardente? Le vivant y est fixé dans son mouvement, et le mort n'y pourra rien. Truffaut a marié des photos de vivants et de chers disparus. Parmi eux, Maurice Jobert en chef d'orchestre. Il a les bras levés. Gros plan sur son beau visage, grave, aux traits réguliers. Je me demande si je n'écris pas ce livre à cause de ce visage. J'ai vu La Chambre verte plusieurs fois, mais il m'aura fallu 7 rencontres au collège de l'Ariane pour que se fixe en moi son nom qui apparaît au générique et sa photo dans la chapelle. Vous verrez que les morts nous appartiennent si nous acceptons de leur appartenir. J'écoute la musique de Jobert. Qu'elle soit de cinéma ou pas, tout ce que je peux trouver. Je vois tous les films, j'observe les photos, les partitions, je lis tout, les archives, les innombrables lettres. Je l'oublie de nouveau, dans la douceur réconfortante des bibliothèques. Une nuit, il se rappelle à moi. Je rêve que je marche avec lui. Il me tient par la main. Je ne sais rien de sa vie ni de sa mort. Je marche avec lui. Je marche avec lui comme s'il n'était pas mort, comme si je ne connaissais pas la fin. Je marche aussi avec sa mort. Maurice Jobert se tourne vers les genêts de l'arrière-pays de Nice et au-delà, vers les montagnes. D'un côté, la mer qui donne son tempo à la ville. De l'autre, les mouvements des grandes vagues dont les sommets d'écume blanche dépassent souvent les 3000 mètres. Maurice Jobert naît avec le XXe siècle, au moment où on commence d'explorer ces sommets, où on commence de les nommer, comme les pas, les baisses, les pointes, la montagne tout entière, qui jusque-là était aussi anonyme que les bergers, les chasseurs, les soldats ou les contrebandiers qu'il a fréquentés. Il a quel âge? 13? 14 ans? Toutes les fins de semaine, comme on dit alors, il se rend à la montagne. Les autres jours, il raconte ses aventures aux camarades du lycée, qui ne s'appellent pas encore Masséna. Et ce sont bien des aventures. La montagne est presque encore intouchée, comme la neige, Le garçon est suspendu comme un petit ange au-dessus des saloperies du monde. Il aura le temps de se mêler, ce qu'il fera généreusement, sans réserve, sans craindre les abruptes, les territoires inexplorés, endossant le risque de tomber. Je regarde deux photos de Maurice Jobert à la montagne. Une ascension en 1915 et au glacier du Clapier en juillet 1918. Tantôt il est assis sur une grosse pierre, accompagné de deux garçons de son âge. Tantôt il est debout et regarde la vastitude. Dans les deux cas, il porte une tenue de ville, chapeau de feutre mou, chemise, cravate et veste boutonnée, comme on s'habille à l'époque pour grimper sur la montagne ou pour faire du ski, de la même manière que pour aller au lycée ou marcher sur la promenade des Anglais. Hormis les chaussures à clous. Chaussures à tricounis qui sont des clous en acier à pointe antidérapante, inventés quelques années auparavant, en 1896, par le bijoutier genevois Félix Génécan, adepte des ascensions du Mont-Salève, et qui en eut l'idée en voyant un de ses amis mourir lors d'une chute causée par de mauvaises chaussures. Maurice Jobert est né avec le siècle, le 3 janvier 1900. Né avec le siècle neuf, il semble destiné aux choses neuves, tricounis comme cinéma. Lui-même a l'air neuf, net et propre comme un sous-neuf. Je trouve l'acte de naissance de Maurice Jobert. Fascinant papiers officiels. Leur trop-plein de réalité m'éclate à la figure. Maurice est bien né le 3 janvier 1900, avant-hier, comme il est écrit sur l'acte qui date du 5 janvier, à 3h30 du soir. L'acte est écrit à la main, j'ai un peu de difficulté à le déchiffrer. Jobert, Maurice, Jacques, Joseph, Eugène, né de Jean, François, Honoré, profession avocat, âgé de 29 ans, et de Pharo, Adélaïde, Marie, Anastasie, son épouse, née à Nice, profession aucune, âgée de 24 ans. Le père de Maurice s'appelle François, plutôt que Jean, son premier prénom. François est avocat. Il deviendra même le premier des avocats, bâtonnier du barreau de Nice. Il est un bon vivant, partant pour l'inconnu. C'est lui qui entraîne Maurice et ses frères dans les montagnes et leur donne le goût de l'alpinisme. Il est aussi mélomane, possède une voix de ténor, et chante suffisamment bien pour se produire à l'Artistique, le tout nouveau cercle, dont il est l'un des quatre membres fondateurs, un des premiers artistes et amateurs éclairés qui, en 1895, décide de se doter d'un lieu où on pourra entendre des concerts sérieux, mais aussi des chansons rosses qui épinglent les notables niçois, voir les expositions, danser lors de magnifiques bals costumés, en somme, faire la fête où fuse l'esprit, mais aussi le rire. Lorsque je suis entrée à l'Artistique dans les années 80, il était en ruine. En conséquence, on avait consenti à en laisser l'usage à des artistes qui installèrent de petits ateliers dans les sous-sols. C'était assez lugubre. Haydée ne se prénomme pas non plus comme il l'est écrit sur l'acte de naissance. L'a-t-on surnommée ainsi en souvenir de la fille du Pacha et amante du comte de Monte Cristo ? Ou du personnage éponyme de l'opéra comique d'un certain Daniel Auber. Je ne sais pas grand-chose d'Haydée, sinon que sa vie n'a rien d'un opéra comique, qu'elle est très pieuse, ce qu'elle partagera avec Maurice et avec lui seul. Elle fut très proche cependant de ses trois fils, qui, même éloignés de leur mère, auront une correspondance nourrie avec elle. René, né en 1898, qui sera journaliste et montera à Paris, Maurice et Yvan, le Benjamin né en 1904, qui sera ingénieur radio et reviendra à Nice après quelques périples de par le monde. François écrit beaucoup lui aussi à ses enfants, et notamment au petit Maurice, puis au cher Maurice, des lettres qu'il signe tout simplement papa, tandis qu'Haydée est mine pour ses enfants, pour Maurice, à qui elle adresse de si longues, de si belles lettres presque quotidiennement. Maurice, qu'elle appelle Méni. Mine à Méni. Son anagramme, et peut-être son double rêvé, à peine transposé. Je ne sais pas grand-chose d'Haydée, sinon qu'elle vivra longtemps, et verra mourir son mari ainsi que tous ses enfants. J'apprendrai qu'elle perdit un premier enfant, le premier des enfants morts, à l'âge de 2 ans et 8 mois. Denis, né le 20 mars 1901, qui suit de près Maurice, mais il le suit comme son ombre, car il meurt le 30 décembre 1903. Les frères auraient été 4, et non pas 3, les 4 mousquetaires. Dumas n'est décidément pas loin. Verve et tragédie mêlées. Sur une photo datée de 1910, on voit la petite famille au grand complet, réunie autour d'un guéridon blanc. La mère et ses fils sont debout, tandis que le père est assis. Il a chaussé des lorgnons et affecte de lire le journal d'un air légèrement amusé par la mise en scène. Maurice a le visage ouvert, franc, comme il sera dit de lui plus tard à de nombreuses reprises. Les cheveux bruns comme ceux de sa mère, dont il partage la foi, mais aussi le physique méditerranéen. Ses cheveux sont coupés ras, il doit avoir une sacrée tignasse. Ses joues sont les bonnes joues de l'enfant de 10 ans. Il a les mains dans les poches. Il est aussi le plus excentré du groupe. Haïdée est très belle, tragiquement belle. Elle a 34 ans, mais toute gaieté semble s'être retirée d'elle. Les yeux légèrement enfoncés, les cheveux coiffés en bandeau et relevés par un chignon, les cheveux lourds pour son visage menu. Depuis l'enfance, la mort ne la lâche pas. Elle lui a pris le troisième garçon, ouvert le cocon où le danger peut s'engouffrer. La fratrie, obscurément, vacille. Ce que voit Haïdée, c'est le premier manquant, le troisième devenu le premier mort, l'aîné des morts, le premier dans la tombe, le premier des noms écrits sur la tombe, l'aîné des morts. Les yeux noirs d'Haïdée envahis par ce trou irrémédiable. A-t-elle le pressentiment qu'elle les verra tous disparaître ? Dans la marge de l'acte de naissance, à gauche, a été ajouté, toujours à la main, Jobert Maurice Jacques Joseph Eugène, marié à Paris, 9e arrondissement, le 5 octobre 1926, avec Marthe Céline Alice Fanny Poidloué, et au-dessous, presque effacé, j'ai failli ne pas le voir, mort en 1940 à la guerre. Je marche avec Maurice Jobert. Je soulève des pierres. Dessous, quelquefois, se cache un menu trésor. J'avance ainsi, sans dessein, en m'accroupissant de temps à autre pour scruter des brimborions révélés par la lumière. Maurice Jobert est élégant. Maurice Jobert est bel homme. Son visage est remarquable. Il y a un air de famille entre lui et le visage de certains hommes que j'aime contempler au sud, encore plus au sud. Un visage ligure, teint bistré, grands yeux fiévreux, la voix chaude et l'élocution méridionale. Ainsi le décrit son ami, le musicien Marcel Delannoy. Sa beauté est si évidente, si loyale que ses amis, ses collaborateurs la mettent en avant. Il a les yeux qui brillent. Il est de ceux-là dont les yeux brillent, leur regard nous happe. Il a aussi une fossette au menton. La Côte d'Azur est à l'écart et au cœur du monde. Pierre-Auguste Renoir s'installe à Cagnes-sur-Mer en 1903. Sur la colline, il fait bâtir une maison dans le domaine des Colettes, plantée d'oliviers centenaires. Les enfants Jobert jouent avec les enfants Renoir, les deux plus jeunes, Jean, né en 1894, et Claude, Coco, né en 1901. Un jour d'été aux Colettes, c'est l'après-midi, grande est la chaleur. Les enfants se reposent dans le bel escalier blanc qui mène au jardin. Je vois Maurice, assis sur une marche au centre, les cheveux toujours très ras, les bras posés sur les cuisses, sa cravate est défaite, elle flotte comme un foulard sur sa chemise blanche. Yvan est assis un peu plus bas, il porte un chapeau, ses pieds sont croisés, on le repère aisément à son air renfrogné. Il est doué pour le dessin. Le vieux maître lui-même lui donnera des cours. Juste au-dessus de lui, Claude est debout. Il appuie son coude contre le pilier de pierre. On reconnaît le bel enfant à la coupe au bol, le bel enfant blond qu'on a vu dans les tableaux de son père. Au sommet de cette petite troupe émerge René. Il a un canotier et porte un bébé dans les bras. Je ne sais pas qui est le bébé, mais il est la dragée sur le haut de la pièce montée, la dernière note de l'ode à l'enfance qui ne veut pas céder la place. Chez les Jaubert, on place très haut la musique. Elle est plus qu'un loisir, comme on dit aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'on peut badiner avec elle. C'est d'époque. Pour Maurice, elle sera sa vie. Il vient à elle cependant de manière non conventionnelle, plutôt erratique. Il suivra un enseignement peu rigoureux, quasi en autodidacte, même si dès l'âge de 5 ans, il apprend le piano et accompagne la voix de baryton de son père. Il a dû assister au concert de l'artistique, aller avec ses parents à l'opéra de Nice ou de Monte-Carlo, dans d'innombrables salles plus modestes, musique savante et musique populaire se disputant la ville. Compositeur n'est pas pour le jeune Maurice une abstraction. Et même si ses parents imaginent pour leur cadet une autre carrière, devenir musicien est pour lui aussi envisageable et aussi difficile que parvenir au sommet des monts Gélas ou Argentera, les plus hauts du Mercantour. Comme Emmanuel Mounier qui renoncera à sa carrière universitaire pour fonder la revue Esprit et que Maurice Jaubert rencontrera bientôt, il ne s'agit surtout pas de faire carrière, mais d'épouser la musique, la « divine amie » pour reprendre la formule juvénile d'une des lettres de Maurice. Pas de carrière, mais une vocation. Si la voie de la musique lui est ouverte, elle n'est pas encadrée. Il n'y a pas à Nice d'enseignement de la musique, jusqu'à ce qu'une femme opiniâtre, Adeline Bellet, crée en 1916 le Conservatoire de musique. Il ouvre à l'automne, place Saint-François, où se tient le marché aux poissons, dans les locaux de la Bourse du Travail. Maurice Jaubert est un de ses premiers élèves et il obtient le premier prix de piano, décerné pour la première fois, cette année 1916, en même temps que le baccalauréat. Ainsi pourvu, Maurice Jaubert s'en va à Paris pour continuer ses études. Il est surveillant à l'Institut Bossuet, un foyer d'études et internat pour lycéens en face du Jardin du Luxembourg. Il se sent aussi déplacé, pour ne pas dire aussi exilé, qu'un ouistiti tropical. Le pion Jaubert a presque l'âge des élèves qu'il surveille, comme le surveillant Huguet, joué par Jean d'Asté dans Zéro de conduite. Il doit lui arriver d'oublier ses élèves en rêvant trop fort à la lumière de Nice et à la musique qui l'éblouit tout autant. Les parents ont écrit tous deux sur la carte-lettre du 5 septembre 1916, le jour du départ de Maurice pour Paris. François demande s'il a bien donné les 50 francs convenus. Et je peux suivre des yeux l'inquiétude et la peine qui ont dû étrangler les paroles dans sa gorge, sur le quai de la gare. De sa belle écriture pointue et régulière, Haydée entonne sa correspondance quotidienne avec Maurice. « Pourquoi te cacher, mon petit ?» Que je pleure en t'écrivant et en me retrouvant dans la maison si vide de mon Ménie. Mais sois tranquille, je saurai accepter courageusement cette séparation, puisqu'elle est pour ton bien. Et j'offre au bon Dieu ma peine et mes larmes pour toi, pour que cette nouvelle vie qui s'ouvre devant toi soit grande et heureuse. Mais écris-moi bien souvent et bien longuement. Dis-moi bien tout comme tu me l'as promis. Et tu adouciras ainsi l'amertume de la séparation. Quel âge que t'as ? 17 ans. Moi aussi. Quand on a 17 ans... Moi aussi, j'ai eu 17 ans. On ne prend pas même la guerre au sérieux. Depuis sa chambre de l'Institut Bossuet, le 11 janvier 1917, Maurice écrit à sa mère combien fut amusante sa première alerte de Zeppelin qui plonge la ville dans l'obscurité. Il a encore un peu de temps pour comprendre que le vieux monde vole en éclats. Costumes de marin, vicomtesse, établissement littéraire, fête de l'artistique. Que leur beauté réside aussi dans la mort qui les mine, comme le montrera, peut-être sans le vouloir, Jean Vigo dans « À propos de Nice », qui est moins un pamphlet, comme on le dit trop vite, qu'une manière formidable d'animer la carte postale, de faire bouger les contraintes, de les faire converger, entrer dans la grande parade carnavalesque, les bourgeoises alanguies sur la promenade des Anglais et les serveurs très affairés, les élégantes et les lavandières du Vieux-Nice, les sculptures éplorées du cimetière du château et les filles qui lèvent la jambe, les vieilles dames trop maquillées et les ouvriers rigolards, les feux d'artifice des premières images du film et les fumées des grandes cheminées des dernières. La ville et son bord de mer filmé de haut englobent tous les antagonismes. La mer est à tout le monde, comme la splendeur de la lumière. Elles sont sans défense, offertes. Le soir du 15 août, je suis sur la plage de Nice pour regarder les feux d'artifice tirés depuis la mer. J'aime beaucoup les feux d'artifice. Mais sans leurs reflets sur l'eau, sur les vagues, sur l'immensité de la mer, la fête n'est pas exactement réussie. À côté de moi, des touristes, mais aussi des familles niçoises venues notamment des quartiers périphériques. Une grosse dame voilée et ses trois enfants âgés de 5 à 10 ans portent sur la tête des petites cornes clignotantes. Les jeux d'eau et la mer sont aux lucioles roses fluo, comme à tout le monde. La mer n'est à personne. Qu'est-ce que Maurice Jobert a entendu de Nice, de la plage, des montagnes? Quels sont les paysages ont-ils planté en lui? Il a 17 ans. Il peut prendre la guerre à la légère. Il n'est pas le seul. Le monde ne sait pas encore que la guerre est dégueulasse. Il n'est pas encore dessillé. Qui pourrait dire aujourd'hui que la guerre est jolie? Cette première année à Paris est entre parenthèses. Il n'a pas encore vraiment quitté Nice, où il revient en juillet 1917, sitôt sa première année de droit terminée. Il est taraudé par la musique, mais ne peut encore franchir le pas et semble opter pour le barreau. Il sera bien à 19 ans le plus jeune avocat de France. Les jeunes gens de sa trempe et de sa génération méprisent les carrières, on l'a dit. Ils préfèrent la grâce du renoncement à l'amour éperdu de la sécurité et du bonheur, comme l'écrit Mounier. Pour Maurice Jobert, la musique et la foi sont étroitement mêlées. L'une et l'autre sont d'accès difficile et réclament la cèse. Je suis de plus en plus pris par la musique. Oh, ironie, au moment où je ne peux plus en faire. Je suis fait pour ça, et mon plus grand bonheur serait d'y consacrer, sinon toute, du moins une grande partie de ma vie. Maurice Jobert ne peut rien faire à demi. Il est élu président du Cercle Montalembert à la fin de 1918. La revue Esprit est encore dans les limbes, mais ses animateurs ont lu Montalembert, ardent défenseur à la fois de la liberté civile et de l'Église catholique. Jobert écrit dans le bulletin du Cercle, qui garde la trace de ses lectures de Francis Jammes et de ses conférences sur Frédéric Mistral. Je tombe sur un manuel de lecture courante, dont la couverture comporte une épigraphe de Michelet. C'est par la mer qu'il convient de commencer toute géographie. On ne peut guère oublier la mer. Elle sous-tend la musique de Jobert et mon penchant pour lui. Je parie que lorsqu'il revient de Paris, son premier mouvement est d'aller la voir, que près d'elle, il lit les livres dont il rend compte dans le bulletin du Cercle Montalembert. Il est toujours avocat, mais au grand air de la mer, de la montagne, qui élargit le champ et rend insupportable quelque enfermement que ce soit. C'était Le beau temps de Marilyn Desbiol, lu par Marie-Sophie Ferdan, avec les voix de Christine Bruchère et Gonzague Van der Vesles. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Adaptation et réalisation, Sophie Haute-Picon. Le beau temps de Marilyn Desbiol est publié aux éditions du Seuil.